Le tombeau de glace par A.E.W. Mason. La saison d'été à Zermatt inclinait vers sa fin, et durant la plus grande partie de la semaine, il avait fait un temps déplorable. Aujourd'hui encore, bien que la pluie eût cessé depuis la nuit, les brouillards tourbillonnaient par masses au-dessus d'une vallée verte comme un printemps, et l'eau ruisselait au flanc des collines. Cependant, il plaisait à Tullowhunor d'augurer des jours plus propices. Debout à une fenêtre de Riffelalp Hotel, il imaginait des déchirures dans le désolide des nuées. « Oui, » dit-il sur un ton d'espoir, « le ciel se dégage. » Il parlait à une très jeune femme dont il ignorait le nom, ayant fait sa connaissance dans les 20 heures qu'il venait de passer à l'hôtel. « Je le crois, » répondit-elle, et regardant au dehors deux hommes tristement assis sur un banc. « Ce sont vos hommes, n'est-ce pas? Vous montez avec des guides. » Il y avait dans sa voix une note de léger mépris, nettement perceptible quoiqu'elle s'efforça de l'étouffer. Tullowhunor ne se tint pas de rire. « Eh oui, avec des guides, je vais où je veux, quand je le veux. Je n'ai pas à chercher des compagnons ni à faire d'avance des arrangements. Voilà 5 ans que je monte avec les Blaouars et je suis au courant de leurs méthodes comme ils sont au courant des miennes. » Il s'arrêta, sentant qu'aux yeux de son interlocutrice, il se donnait l'air de pallier, par de médiocres prétextes, sa timidité et son incompétence. « Je ne doute pas que vous n'ayez raison, » lui répliqua-t-elle avec un sourire de gentille indulgence, un sourire qui proclamait aussi haut que des paroles. « Je sais bien ce qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous dire. » Mais elle préféra garder pour elle son triomphant secret. Posant une main sur le rebord de la fenêtre, elle se mit à tambouriner contre la vitre, de sorte que Tullowhunor ne pouvait pas ne pas regarder ses doigts. Il les regarda, et comprit pourquoi elle attirait ainsi son attention. Elle portait une alliance. Il fut surpris. Grande et svelte, elle paraissait une toute jeune fille. Il lui donnait 19 ans, au moins. Elle était jolie, et ses yeux clairs avaient ce regard de terrible confiance qu'on projette sur la vie du fond de l'asile sûr qu'est le collège. Avec une indifférence trop bien jouée, elle se retourna, s'éloigna, et Tullowhunor ne la revit plus de tout le jour. Nonobstant le départ de nombreux touristes, l'hôtel demeurait plein de monde, et dans le jardin surplombant la vallée de Zermatt, il se fit un mouvement subi, le soir autour du grand télescope. Tullowhunor et ses guides, occupés dans ce moment près de la balustrade à organiser la journée du lendemain, interrompirent leur conciliabule pour voir ce qui se passait. Un Allemand gesticulait avec animation au milieu d'un groupe de ses compatriotes. Il fendit le cercle, s'avança vers Tullowhunor, et l'on devinait, à sa mine radieuse, l'annonciateur d'une bonne nouvelle. « Vous devriez, dit-il, puisque vous préparez une ascension, regarder dans le télescope, c'est très intéressant. Mais hâtez-vous, n'attendez pas que le nuage se referme. « Que voulez-vous dire ? » demanda Tullowhunor. « Là-haut, sur le Weisshorn, j'ai vu 2 hommes. Maintenant, à 6 heures du soir, par un jour de tempête, allons donc. Je les ai vus, je vous l'affirme. » Tullowhunor plongea les yeux au creux de la vallée. Le rideau des nuages pendait le long des hauteurs comme de la laine. Il rejoignait, dans le bas, les pentes de verdure sombre où semblaient défiler sous le brouillard les cimes noires des pins. On ne voyait pas un pouce de roc, ni de glacier, ni de neige. Néanmoins, l'Allemand s'obstinait. C'est ma première visite à la montagne. Jamais je n'arrive à me rendre libre. Il faut que je reparte demain, et il n'y a qu'un instant encore, je désespérais de l'avoir à cause du temps affreux qui sévit depuis mon arrivée. Mais enfin, la chance m'a souri à la dernière minute, et j'en suis très heureux. » Tullowhunor, loin de s'étonner, trouva tout naturel l'enthousiasme de cet Allemand, homme d'affaires, et qui n'était plus de la première jeunesse. Mais il hésitait à admettre, tant il souhaitait d'y croire, l'exactitude de sa vision. « Dites-moi bien ce que vous avez vu. » L'Allemand alors raconta ceci. Il regardait dans le télescope quand soudain, les nuages s'amincirent, et il vit, très loin, confusément, au travers d'une vapeur, quelque chose de noir qui se dressait comme un récif dentelé, puis une pente blanche plus solide que les nuages, où la lumière s'accrochait. L'œil rêvé à l'oculaire, dans l'espoir qu'enfin lui allait être accordé le merveilleux spectacle qu'il appelait de toute son âme, il vit peu à peu se déchirer l'écran de vapeur et le Weisshorn piquait tout droit son exquise pyramide argentée dans la profondeur d'une flottante caverne grise. Il continua de regarder un moment. Peut-être un rayon de soleil viendrait-il mettre la dernière touche à un tableau inoubliable. Et sa stupeur ne fut pas moindre que son enchantement quand deux hommes lui apparurent au sommet d'un pic. Ils venaient du sud ou du sud-ouest. « Par le chalet Grat ?» s'écria Chaloner. « Ce n'est pas possible. »« Mais si !» protesta le touriste. Il était sûr de ce qu'il disait. Il ne rêvait pas. Les deux hommes avaient franchi le sommet, sans y faire halte une minute, puis commençaient de descendre la longue crête qui s'abaisse vers la vallée de Saint-Nicolas. « J'en suis sûr !» répéta-t-il. Le premier des deux allait d'un pas très lent, très incertain, comme s'il eût été à bout de force. L'autre semblait en bon état. Je l'ai vu soulever la corde qui traînait entre eux pour en faire tomber la neige. Et Chaloner de s'écria encore. « Vous avez vu cela ? Mais ensuite ?»« Ensuite, les nuages se sont rejoints, tout a disparu, le pic, les hommes. » Chaloner avait écouté ce récit avec une anxiété croissante. Il s'assit devant le télescope et resta là un bon moment, l'œil appliqué à la lentille. Mais il ne vit que des brouillards se tordre dans la lumière défaillante. Il se leva et s'éloigna. Il était ce jour-là le seul étranger de l'hôtel qui eut la pratique de la montagne. Aucun des touristes groupés autour du télescope ne comprenait la gravité de ce qu'on venait de lui dire, si c'était véritable. Mais était-ce véritable? Si par un beau jour, des groupes aventureux eussent pu se trouver en haut du Weisshorn, quel homme sensé eût, par un jour comme celui-ci, tenté une crête ou même un versant de la montagne? Pourtant, le récit de l'Allemand offrait une précision singulière, et cela troublait Chaloner. La traversée du Weisshorn, à partir de Chaliyor, était l'une des difficultés reconnues des Alpes Pennines. Il y avait, au surplus, ce petit détail de l'homme qui, derrière son compagnon, secouait la neige de la corde. Mais l'homme avait dû lire les comptes rendus annuels du club alpin autrichien. Il s'était probablement leurré. Voulant voir, il avait vu. On ne pouvait pas même concevoir la vérité de cette histoire. Telles furent les pensées qui agitèrent Chaloner toute la soirée, puis tout le jour du lendemain. Après le dîner, comme il quittait la salle à manger, la directrice de l'hôtel vint à lui et le pria d'entrer dans son bureau. Elle avait un air grave. Il entra. Elle repoussa la porte. « Je suis informé d'un accident, » dit-elle. Le récit de l'Allemand revint aussitôt à l'esprit de Chaloner sur le Weisshorn. « Oui, c'est terrible. » Et la directrice se laissa choir sur un siège. Des larmes inondaient ses joues. Deux jeunes Anglais, Mark Forbisher et George Liston, avaient la semaine précédente entrepris une ascension dans la vallée. Par le sommet de Weisdale, ils avaient attaqué la chaîne de Snowdon. Inutile de leur parler de guide, les Alpes ne leur imposaient pas et ils tenaient le club alpin pour un ramassis de ganaches. Ils étaient si jeunes, des gamins, et M. Forbisher était en Suisse avec sa femme. Avec sa femme, oui, une femme encore plus jeune que lui et qui parlait comme lui, ne sachant rien de rien, mais fière de son mari, dont le jugement lui inspirait une confiance aveugle. « Des gamins, vous dis-je » Et nous les aurions très probablement convaincus de leur folie si presque en même temps qu'eux, Errangs n'était arrivé de Vienne. Chaloner commençait d'entrevoir le drame. Errangs était fort connu des alpinistes. Âgé de 40 ans, qui est le bon âge de l'endurance, il avait au su de tout le monde la passion des longues expéditions entreprises avec le minimum d'équipement. Et il y joignait une indifférence passablement dangereuse quant au choix de ses compagnons d'ascension. Dès le prime abord, il avait proposé aux deux Anglais l'escalade du Chalet Grat. Tous les trois étaient descendus à Randa et y avaient passé la nuit. Après quoi, malgré le temps contraire, ils s'étaient ensuite mis en route pour la cabane du Weisshorn avec des provisions pour 3 jours. On n'avait plus de leurs nouvelles jusqu'à cet après-midi même où Ranks et George Liston, épuisés l'un et l'autre, le dernier terriblement gelé, était rentré chancelant à l'hôtel de Randa. « C'est affreux, » dit Chaloner. Plus affreux encore étaient les événements rapportés par l'Autrichien dans une courte lettre adressée au Riffelalp et que la directrice tendit à Chaloner. Nous restâmes 2 jours dans la cabane, pensant que le temps finirait par se remettre. Le matin du 3e jour, le ciel donnant des promesses d'éclaircie, nous prîmes nos couvertures, franchîmes le glacier de Chaliberg et campâmes, comme il est d'usage, sur l'éperon du Chalihorn. Il ne nous restait que peu de vivres, et je me rends compte à présent que nous aurions dû revenir à Randa. Mais je ne songeais pas à la jeunesse de mes compagnons. La nuit fut très froide. Cependant, il ne tomba pas de neige, et le matin, nous eûmes un rayon de soleil. Cela nous décida à repartir. En 4h30, nous parvînmes au Chalior. Nous déjeunâmes un peu avant d'atteindre le sommet du col, puis nous entreprîmes la crête. La marche était difficile. Souvent une couche de glace vernissait la surface noire du roc, et comme pas un de nous ne connaissait la crête, nous perdîmes du temps à vouloir franchir par le versant ouest quelques-uns des plus grands gendarmes, alors qu'ils ne sont accessibles que par l'autre versant. Pour comble d'infortune, le soleil ne tint pas ses promesses. Il se voila complètement à 2h30, le froid devint cruel et dangereux. Peu après midi, le vent se leva. Nous n'osions nous arrêter nulle part, d'autant que nous n'avions plus de vivres. Un roc énorme, tout rouge, et dressé comme une tour, nous offrit, vers 2h, un abri où nous nous reposâmes. Frobisher se plaignait de n'en pouvoir plus. Il était évidemment très affaibli. Liston, plus robuste, ne présentait pourtant pas les conditions requises pour une excursion que je crois scabreuse en tout temps et qui était aujourd'hui des plus hasardeuses. Nous tînmes conseil. Hélas, je comprenais trop bien que notre état présent nous interdisait la descente et que d'autre part, sans nourriture et sans boisson, nous ne pouvions songer à passer la nuit sur la crête. J'avais la certitude que nous n'étions plus loin de son point culminant. J'obtins de mes compagnons qu'ils se remissent en marche. Par une crevasse en zigzag, je grimpai jusqu'au faîte de la tour rocheuse, où je réussis, non sans grande difficulté, à hisser mes compagnons, l'un après l'autre, à l'aide de la corde. Mais pour le traverser, il ne nous fallut pas moins d'une heure. Enfin, nous abordions le versant opposé, quand, au passage d'un petit col de neige effilé comme un tranchant de lame, Frobisher défaillit. Son cœur cédait à la double action du froid et de la fatigue. Je jure que nous restâmes à ses côtés jusqu'à ce qu'il fût mort. Oui, je le jure. Bien que le vent fût dangereux pour Liston et pour moi, et que nous n'eussions que moyen d'arracher notre compagnon à la mort. Oui, nous restâmes près de lui jusqu'au bout. Quand tout fut fini, je lui nouai à la ceinture une corde de réserve, que je fixai par l'autre extrémité à un ressaut du roc, puis Liston et moi nous repartîmes. Je ne gardai plus aucun espoir de salut. Cependant, les hautes dentelures de l'arête s'interrompirent, et vers 6h du soir, nous prenions pied au sommet de la montagne. Là, comme la crête de l'Est se montrait plus facile, nous changeâmes notre ordre de marche. Liston me précéda. La neige était grenue, elle ne tenait pas, nous n'avancions qu'avec une lenteur extrême. La nuit venue, nous nous arrêtâmes à la hauteur d'environ 13 000 pieds, dans un endroit malheureusement peu abrité du vent. Il y régnait un froid terrible. Je doutais que Liston passait la nuit. Il la passa pourtant. Ce matin, le soleil ayant fait sa réapparition, et la température s'étant réchauffée, nous pûmes, avec 1000 précautions, redescendre jusqu'à la cabane. Nous y arrivâmes vers midi. Ce nous fut une vraie chance d'y retrouver les croutons et quelques reliefs de notre repas précédent. Nous nous reposâmes, et nous fûmes enfin en état de regagner Randa, après nous être encore restaurés d'un peu de lait au chalet qui est à mi-chemin de la descente. Liston a les pieds et les mains gelés, mais je crois que d'ici à 2 jours, il pourra être transporté dans une clinique de Lucerne. Tout cela est ma faute, je le déclare très franchement, moi seul suis à blâmer. Je prends tout sur mes épaules et ne vous gênez pas de lire au Rivelalp. Rangs prend tout sur ses épaules. J'écrirai demain aux journaux de Zurich qu'en cette affaire, il n'y a de responsable que moi. Chalornur, lui, relut cette lettre. Il trouvait singulièrement déplacé l'étalage de magnanimité qui s'y faisait dans les dernières lignes, et vraiment excessive l'énergie avec laquelle Rangs protestait que son camarade et lui-même n'avaient pas quitté Frobisher avant qu'il ne fût mort. C'est un mensonge, on l'a laissé vivant sur cette crête. Et son esprit évoqua les affres d'une pareille mort dans le froid, les ténèbres, l'isolement de ces altitudes battues par les tempêtes. Mais la directrice n'avait qu'un souci. « Qui préviendra Mrs. Frobisher ?» demanda-t-elle en balançant le corps tandis qu'elle fixait sur Chalornur des prunelles inquiètes. « Ce sera à vous de le faire. Vous êtes son compatriote. » Chalornur sursauta. « Que voulez-vous dire ?»« Vous le savez, M. Frobisher était ici avec sa femme, un ménage de 2 mois. Elle, plus jeune que lui d'un an ou deux, une enfant, et fière de son mari, si fière. Moi, j'avais pour lui peu de sympathie. Je ne lui aurais pas confié le bonheur d'un être que j'aurais aimé. Elle lui avait donné tout son cœur. Maintenant, il va falloir qu'on le lui apprenne. Elle est dans votre hôtel ?» Vous lui avez parlé hier. Mais Chalornur n'avait pas besoin de cette réponse. Soit, je la préviendrai. et il se retourna pour sortir, malade à l'idée de la tâche qui lui incombait. Il n'avait pas gagné la porte que la directrice le rappela. Ne pourrait-on lui laisser encore une nuit tranquille? Rien à faire avant demain. Sauf vous et moi, personne encore à l'hôtel ne sait rien du drame. Elle aura bien assez de peine. À quoi bon la faire souffrir trop tôt? Qu'elle goûte une dernière nuit de sommeil. La vie jusqu'alors avait souri à Challoner. Il avait pu atteindre l'âge de 26 ans sans qu'elle lui apportât aucune grande épreuve. Comment annoncer la fatale nouvelle? Cela demandait réflexion. Il tremblait d'avance à l'idée du chagrin qu'il allait faire. « Oui, dit-il, autant remettre à demain. » Et il passa dans le hall. Le grand salon retentissait de musique. On y dansait sur un air de valse. Pour fuir au jardin ses flonflons pénibles, il avait à traverser le bal. En le traversant, il regarda, et l'ironie des choses humaines le heurta si violemment qu'il resta planté là, pâle, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. La veuve de Frobisher dansait. Elle dansait avec la grâce souple de ses 20 ans, rieuse et rose, alors qu'au sommet orageux du Weisshorn, à 14 000 de haut, dans la nuit âpre, le cadavre de son mari, à califourchon sans chevalet de neige, se balançait et saluait au gré des rafales. Apercevant Challoner, elle lui sourit, et dans son sourire, la cordialité d'une jeune femme parfaitement heureuse se nuançait d'un rien de pitié pour le pauvre garçon qui croyait, en montagne, ne pouvoir se dispenser de guide. Challoner s'élança dans le jardin. Il se présenta chez elle le lendemain matin et se mit, avec tous les ménagements possibles, en devoir de l'instruire. Il s'attendait à des pleurs, un effondrement. Ce ne fut ni l'un ni l'autre. Au premier mot, elle saisit le bras d'un fauteuil pour s'affermir, puis il s'assit et l'écouta. Tout en écoutant, elle plissait le front d'un air perplexe, comme une écolière devant un problème difficile. Et quand Challoner se tut, elle poussa un long soupir. « Je ne sais pas pourquoi vous cherchez à me faire peur, » dit-elle. « Bien entendu, cela n'est pas vrai. » Elle n'y voulait pas croire, non. Pas même quand elle eut en main la lettre de Ranks, qu'elle regardait sans fin, d'un œil immobile, comme un document qu'il faut qu'on déchiffre. « Peut-être réussirais-je à le lire, si j'étais seul, » murmura-t-elle enfin. Alors Challoner la laissa. Elle le fit chercher au bout d'une heure. À présent, certes, elle savait, mais elle ne pleurait point, et les pleurs lui eussent adouci la cruauté de sa voix. Elle avait une expression de misère, de torture, comme Challoner espérant ne jamais revoir sur un visage humain. Elle parlait avec une soumission très étrange, et c'était sa jeunesse elle-même, non le sentiment qu'elle en avait, qui semblait protester contre la justice de son malheur. « J'étais brusque envers vous, » fit-elle, « et cela, quand vous montriez si bon pour moi, j'en suis confuse. Je ne comprenais pas, je comprends maintenant, et j'aurais vous demandé quelque chose. Dites, serait-il possible qu'on me rapportât son corps ?» Tournée vers la fenêtre, elle parlait d'une voix sourde où vibrait une passion infinie. « On essaiera. » « J'en aurai tant de gratitude. » Une pareille affliction bouleversa Challoner, au point de lui arracher une promesse qu'il savait téméraire. La jeune femme retourna la tête. « Vous iriez vous-même, sans doute. »« Oh merci, » s'écria-t-elle. « Je n'ai ici d'autres amis que vous. » On rassembla dans l'après-midi 5 guides de la vallée. Challoner y adjoignit les siens, et sous la conduite du guide principal, la petite troupe se mit en route vers la cabane du Weisshorn. Elle en repartit le lendemain à l'aube, sous un ciel criblé d'étoiles, traversa la montagne par l'arête orientale, et descendant le Chaligrat, trouva le jeune Frobisher attaché, comme l'avait dit Ranks, à une saillie du rocher. Il était à cheval sur un étroit rebord neigeux, chacune de ses jambes pendant au-dessus d'un précipice. Il regardait fixement devant lui, et au moindre souffle de vent qui passait, il saluait d'un air de jovialité effroyable. Il fit à Challoner l'effet d'un paralytique plutôt que d'un mort. Sa face avait la couleur du fromage. Au prix de 1000 peines, on le remonta jusqu'au sommet, on le noua dans un sac, puis on lui fit descendre les hauteurs en l'allant sur la neige. Plus bas, on le porta par-dessus les rocs, et tournant sur la droite, on le mena jusqu'au glacier. Il était 3 heures de l'après-midi. À 3h30 se produisit le plus affreux épisode de cette affreuse journée. La corde se dénoua pendant qu'on traînait le cadavre sur la glace. Il échappa du sac, glissa et se mit à dégringoler la pente qui était rapide. Une exclamation d'horreur s'éleva de toutes les poitrines. Une minute ou deux, on le vit sans pouvoir intervenir, augmenter de vitesse, bondir de monticule, en agitant et faisant tournoyer les bras comme un homme emporté par surprise. Enfin, il s'engouffra dans une profonde crevasse. Un grand bruit de chute, puis le silence, et plus rien que le désert du glacier. Le petit groupe restait sans parole. La même illusion s'était emparée de Jalaunor, qu'il avait saisi en haut devant le rocher rouge sur l'autre crête. Il ne pouvait se défaire de l'idée qu'un homme vivant venait de disparaître à leurs yeux, tellement étaient naturels les gestes de ce mort. On gagna l'ouverture de la crevasse, on y descendait un guide, mais on dut le remonter sans qu'il eût touché le fond. « Le mort a trouvé sa tombe !» prononça Joseph Blauer d'une voix solennelle. Et l'on s'en revint à Randa. Tout le long du chemin, Jalaunor se demandait « Comment affronterai-je la jeune femme ?» Un rare remords le déchirait. Il lui semblait avoir trahi la confiance que mettait en lui Stella Frobisher. Et ce sentiment ne fit que s'accroître lors de l'explication qu'il eut avec elle le soir même, car enfin les larmes trouvèrent leur issue chez elle, la tête cachée entre les bras, et sanglota comme si son cœur éclatait. « J'espérais tant que vous me la rapporteriez, » dit-elle. « C'est pour moi une souffrance intolérable de l'imaginer couchée pour toujours dans cette solitude de glace. »« Moi aussi, » balbutia Jalaunor, « j'en ai plus de peine que je ne saurais dire. » Et après une pause, « Des amis, sans doute, vont venir vous chercher. » Au sortir de cette entrevue douloureuse, il traversait le hall, quand vint à lui vivement un individu qui n'eut pas besoin de se nommer pour se faire connaître. « C'est fait, » s'écria-t-il. « La chose est dans tous les journaux de Zurich. Je déclare que j'ai seul encouru le blâme. Je revendique l'entière et unique responsabilité de l'affaire. » Herr Rangs débordait décidément de magnanimité. Vers la Noël, Jalaunor reçut à son domicile de Londres une lettre d'une écriture ignorée. Elle était de Mrs. Frobisher, qui lui envoyait des excuses. Mrs. Frobisher lui disait qu'ayant fui pour dérober son chagrin de la retraite, elle ne s'était avisée que récemment de tous les tracas qu'il s'était donnés pour elle, et le remerciait, si tardif que puissent paraître ses remerciements. Jalaunor fut très heureux de cette lettre. Depuis le jour qu'il avait vu Mrs. Frobisher monter dans le train qui allait la reprendre à cette balai suisse, il avait perdu tout contact avec elle. Le souvenir le hantait, du pâle et ardent visage penché à la fenêtre du wagon. Visage de banni partant pour un long voyage, laissant derrière lui tous ses trésors. Pourtant, dans cette lettre, il y avait comme un soupçon, comme un parfum de renouveau. Stella Frobisher commençait à refaire sa vie. Jalaunor prit note de l'adresse qu'elle lui donnait, et le dimanche suivant, il partit pour le Dorsetshire. Elle habitait une maison ancienne, toute en longueur, moitié ferme, moitié château, et quelque peu isolée dans une riche campagne, près de la petite baie d'Arishmel. À travers le passage de l'entrée, on apercevait, derrière la maison, un jardin qui, même en cette saison, chatoyait de fleurs. Stella Frobisher vivait là désormais avec le bruit des bagues dans les oreilles et devant les yeux, les dunes parsemées d'ajoncs. Elle lui fit un accueil si chaleureux, si gai, qu'il revint à plusieurs reprises. Elle ne jouait pas plus à l'ermite qu'elle ne se faisait un luxe de son désastre. Elle reconstruisait de son mieux son petit univers, mettant à cette tâche autant de fierté que de courage. Jalaunor ne pouvait que l'admirer. Il en venait à déplorer ce qui lui semblait être l'infertilité d'une vie précieuse. Il aurait eu bien du mal à ne pas voir qu'on attendait ses visites. Des sentiments plus forts s'émurent en lui. Par un matin d'été où expirait au pied de Stella une mer bleue, où flamboyait autour d'elle l'or des genêts, il lui demanda d'être sa femme. Elle prit un visage grave. « Impossible, hélas, » dit-elle. Il fut moins surpris que chagriné, et sans doute laissa-t-il paraître son chagrin, car elle se hâta d'ajouter « Je vais vous dire pourquoi. » « Connaissez-vous le professeur Kersley ?» L'étonnement de Jalaunor redoubla. « Je l'ai rencontré dans les Alpes. »« Précisément, » fit-elle, « on le considère comme le savant le mieux renseigné du monde sur les mouvements des glaciers. » Jalaunor crut vaguement comprendre. Il frémit. « C'est exact. » Je suis allé le voir à Cambridge. Il m'a très aimablement accueilli. Je lui ai dit l'accident du Weisshorn. Il m'a promis de faire des calculs. Il s'est imposé pour moi tout un travail. Et quand, sur sa demande, je suis revenu chez lui, il m'a fixé l'année, le mois, la semaine. le jour même de la semaine où... » Stella Frobisher avait jusque-là parlé lentement avec calme, mais soudain les mots s'étranglèrent dans sa gorge, elle regarda au loin. « Dans 24 ans d'ici, le 21 du mois de juillet, Mark quittera sa tombe de glace à la pointe du glacier de Hornlicht. » Challoner ne discuta pas cette prophétie. Des calculs analogues s'étaient signalés par leur rigoureuse exactitude. « Mais vous n'allez pas attendre 24 ans, » protesta-t-il. « Si, » répondit-elle dans un murmure, « je suis l'esclave d'un vœu, comme une note. » Et contre ce mort enseveli sous la neige, contre ce rival invincible, Challoner fit en vain l'effort de lutter. « Il faut que vous regardiez ailleurs, » dit-elle. « Vous n'avez pas à gâcher votre vie. Moi, je ne gâche pas la mienne. Je vis pour une heure qui viendra. » Il répliqua tristement. « Mon point de vue est fixé. Regardez ailleurs, m'épouvante. »« Vous êtes jeune, » répliqua-t-elle. « Bien des choses peuvent changer pour vous. Vous changerez vous-même. » Challoner ne changea pas. Il avait choisi cette femme particulière et non pas une autre. Il se maudissait pour ne s'être pas assuré, pendant qu'avec l'expédition de secours il descendait du roc sur la glace, si la corde tenait solidement autour du sac. Mais de tels reproches n'avançaient point ses affaires, et les années glissaient, chacune un peu plus vite que la précédente. Absorbé tous les jours davantage par son métier d'avocat, forcé de soutenir une réputation grandissante, il en remarqua à peine la fuite. De temps en temps, Stella Frobisher se rendait à Londres. Elle allait aux audiences de justice écouter une de ses plaidoiries. Il l'accompagnait dans les magasins de Bond Street, il la conduisait au théâtre. Un soir de juin, l'auto ayant fait son apparition sur ses entrefaites, ils prirent en auto la route de Portsmouth pour aller dîner à l'auberge d'Ockham. En route, Stella dit simplement « Voici l'année. » « Je sais, » répondit-il. « Suis-je du voyage ?» Elle lui prit la main et durant une minute l'étreignit dans la sienne. « Oh, si rien ne vous empêche, je tremble un peu maintenant. » Ils débarquèrent à Rwanda. Bien des changements s'étaient effectués dans la vallée. De nouveaux hôtels avaient surgi. Un chemin de fer grimpait au Riffelalp. Les touristes ne venaient plus par dizaines, mais par centaines. Ils infestaient la montagne. Cependant, les yeux de Challoner restaient fermés à ces choses. Par la trouée des collines, il s'éleva jusqu'à la lisière des glaciers qui viennent du Weisshorn, du Chaliyor et de la passe de Moming. Il y dressa une tente et s'établit en sentinelle. Un matin, qu'au sortir de la tente, ayant gravi un tertre de gazon, il regardait ses pieds. Il vit pas très loin de lui sur la glace un petit objet noir. « Un caillou, » pensa-t-il. Il prit ça et descendit. À mesure qu'il approchait, il se confirmait dans son opinion. Oui, certainement, c'était un caillou rond, lisse, poilu par le frottement de la glace. Il faillit tourner les talons, mais il était si près qu'il continua d'approcher. Un rayon de soleil coula dans ce moment sur la vallée, l'objet se mit à luire. Challoner se baissa et le ramassa. C'était une montre d'or, posée à plat, le cadran contre la glace, et toute noircie, sauf en deux endroits où le métal lançait des étincelles. Le verre manquait, les aiguilles étaient cassées, le mouvement arrêté. Challoner ouvrit la cuvette. Les fins rouages et le spiral brillaient comme à la minute où la montre était sortie de chez le marchand. On eût pu la croire tombée d'une poche le jour même ou la veille. La glace a ses fantaisies, ses lubies. Tantôt elle écrase et réduit en poudre, tantôt elle emboîte et préserve. La montre ne s'en était peut-être libérée que la minute d'avant. Le glacier livrait-il son mystère? Challoner, la montre à la main, considérait avec des yeux aveugles le monde vide des glaciers et des roches. Il se sentait comme frappé d'un charme, tant il voyait revivre avec force les jours évanouis du Riffelalp et la terrible recherche sur le pic argenté qui, aujourd'hui encore, dressait là-haut sa tête. La recherche reprenait ce matin. Quand, vers la tombée du jour, il rentra brusquement à l'hôtel de Rwanda, Stella Frobisher l'emmena au jardin. Il lui remit la montre, la pressa sur son cœur et son visage trahissait une exaltation surnaturelle. « C'est bien sa montre ?» lui demanda Challoner. « Oui, » répondit-elle, « mettons-nous en route. » Il hésita. Il avait décidé de refuser qu'elle l'accompagnât. Ce qu'il venait de voir modifiait ses dispositions. Il consentit. demain matin, de bonne heure. Croyez-moi, nous arriverons à temps. » Il réunit des porteurs dans la soirée. On se mit en marche dès l'aube. Quand on fut à la place où Challoner avait dressé sa tente, laissant là les porteurs, il s'engagea sous la glace dans la seule compagnie de Stella Frobisher. Soudain, il s'arrêta. « Ici, » dit-il. Devant Stella Frobisher, le glacier se déployait en éventail dans l'entonnoir des collines, mais il était vide. « Où ? » murmura-t-elle. Challoner la regarda d'un œil trouble, sans répondre. Alors elle baissa les yeux, et juste à ses pieds, sous une dalle de glace qui semblait une épaisse feuille de cristal, elle revit, après tant d'années révolues, Mark Frobisher. Elle poussa un cri, tomba sur les genoux, et le fait d'un si long temps écoulé se découvrit à Challoner dans sa vérité cruelle. Sous la glace, Mark Frobisher semblait poursuivre un sommeil de jeune homme. 24 ans n'avait pas creusé un pli au coin de sa bouche, une ride au coin de ses yeux. Le glacier avait eu pour lui des ménagements encore plus tendres que pour sa montre. Les jours, en se succédant, ne l'avaient frappé d'aucun tribut. Il était aussi jeune, ses traits étaient aussi purs, aussi beaux que le jour où il était parti pour son expédition. Et sa femme se penchait sur lui, et c'était une femme usée, flétrie, déjà vieille. Pour la première fois, Challoner s'apercevait que Stella Frobisher avait perdu toute jeunesse. Pour la première fois, ouvrant les yeux sur lui-même, il s'apercevait que c'était aussi son cas. Bien souvent, il avait dit « Eh oui, je vais mon chemin, les années passent. » Mais il riait alors de cette formule, comme d'une concession faite aux conventions et dénuée de sens. À présent, il découvrait ce qu'elle contenait de vérité essentielle. Stella Frobisher et lui n'étaient plus que deux vieilles gens qui avaient sacrifié le meilleur de leurs années. Il releva doucement Stella. « Voulez-vous vous éloigner un peu ? » lui dit-il. « Je vous rappellerai. » Elle s'éloigna de quelques mètres. Il fit un signe au porteur. On brisa soigneusement la glace, puis il appela « Stella !» Et elle revint. Rien ne la séparait plus de Mark Frobisher. Ils se retrouvaient enfin face à face. Le mari, exempté de l'âge, et la femme vieillie, qui avaient ensemble vécu 2 mois de commune jeunesse. Mais leur confrontation eut la brièveté d'un éclair. Les souffles du ciel battirent Mark Frobisher. Immédiatement, son visage parut frémir, ses traits se voiler. Stella Frobisher jeta une clameur d'épouvante. Il croulait en poussière. Dans le temps qu'elle portait les mains à sa figure, il ne fut plus. Et quelque chose s'en détacha, qui fit sur la glace un bruit métallique. C'était un médaillon d'or pendu à une chaînette. Pour avoir été porté sous les vêtements, il gardait tout son éclat, et Challoner le vit briller au fond de la tombe. Il se courba, l'attrapa, l'ouvrit, et un visage hardi le regarda, visage de jeune fille inconnue, jolie, très vulgaire. Une parole jadis entendue, mais depuis longtemps oubliée, lui revint alors lentement à la mémoire. Que lui avait dit de Mark Frobisher, 24 ans auparavant, la directrice de l'hôtel de Riffelalp. Il ne me plaisait pas. Il ne m'aurait pas inspiré confiance. Challoner se tourna vers Stella. Elle l'observait, blême et pensive. Qu'est-ce ? Demanda-t-elle. Un portrait de vous, s'empressa-t-il de répondre. Mais il n'avait pas un portrait de moi. Par-dessus l'épaule d'une colline, le soleil bondit dans le ciel. Et une cataracte d'or noya le monde. C'était Le tombeau de glace par A.E.W. Mason.